Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que son nom soit loué éternellement. Amen. N'est-ce pas la nous allons nous mettre directement debout. Amen. On lit la parole de Dieu. On lit dans Genèse au chapitre 2, versets 18 à 27. Ici à cet endroit, parce que je m'en crois. Bénis nos frères. qui sont ici présents, concernant aux citoyens et la parole. Conduis la séance du début à la fin, dans les puissants noms de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous voir, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée du Seigneur. Vous étiez les bienvenus à l'église. Vous avez chanté, vous avez chanté, vous avez prié, mais au commencement, n'était pas les chants. Au commencement, n'était pas les prières. Au commencement, n'était pas les causes. Au commencement, n'était pas les jubilés. Au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement. Et toutes choses ont été faites par elle. L'un de ces qui existent là est un peu trop cher. Un peu de café de soi, Dieu. Je veux dire, une salue de notre vie. Et sa présence est en tes vies. Et la présence de Dieu se renvoie à présent de vie. Nous sommes pas venus à l'œuvre de gloire. Nous sommes pas venus à l'œuvre de l'Israël. Nous sommes venus dans l'église du Dieu vivant. Et l'église du Dieu vivant, c'est la maison de Dieu. Et la parole est la plus de quoi? La toute la vérité. L'église de Dieu est la couronne et la plus de la vérité. Et pas de l'église. Nous avions parlé de l'évangile promis aujourd'hui. C'est-à-dire que dès le départ, l'église a été fondée sur la parole du Seigneur. Et nous allons pouvoir suivre la parole. Namoni, aïe, tu me

Dieu prend le mariage et il fait le divorce. Dieu ne prend pas le divorce. C'est pour ça que tu es dit, voyez les éducateurs du bien.

Je ne sais pas si tu es un peu plus de Parce que mon lieu est bon, ça va.

Le mariage est la plus grande institution du monde. Et l'Ibala Ezali Mwango Yakala Kala Namoki. La plus vieille institution du monde. Mobange Yamokepo Nakati Namoki. Le pouvoir de l'Ezali est une institution. Le Parlement est une institution. Le président de la République est une institution dans notre pays. Le cours de tribunaux sont des institutions dans notre pays. Le gouvernement est une institution dans notre pays. Et même dans tout le pays du monde. Personne n'est une institution. Parce que le mariage est la plus vieille institution du monde entier. C'est-à-dire avant toutes les autres institutions que vous voyez que vous connaissez. Est-ce que si vous le connaissez, les choses à faire, pas le mariage. Je vous conseille de ne pas trop vous appuyer sur les mots des hommes. Les cerveaux ont été votés par les députés ivres et débauchés. Le Dieu est la terre, faillons,

C'est pour ça que quand tu te prends, ne promettez pas toi que tu penses. En fait, je vous donne l'intention de le faire. Après tout, c'est votre frère qui vous marie. C'est votre frère qui vous lie à la femme. Une fois qu'elle vous accepte, la loi de Dieu la lie à vous. Jusqu'à ce que vous puissiez mourir, vous. Mais tant que vous êtes en vie, mais la loi de Dieu lui est interdite. Espérez votre acte de vos manières. Et de prendre hier pour ma personne, tu voyez la terre pour les choses que vous avez besoin, vous les hommes. Vous votre message interdit d'appuyer. Lorsque la femme se prend dans ce mariage, le président dit qu'elle n'a rien d'autre à prendre excepté la parole de l'homme du corps. Ce sont les paroles de l'homme auxquelles elle va faire confiance, elle va s'appuyer pour la tenir ensemble. Alors, l'homme doit être sérieux et confiant. Nous n'avons pas le droit d'appuyer de la confiance sur le fait. Vous ne profitez de cette confiance pour faire le pouvoir. Vous devez avoir un comportement exemplaire. Et dans le message que nous dit, un homme marié, pour avoir deux bons enfants et deux enfants, un comportement tel que la famille et la femme le respectent. Un comportement digne de respect. Parce que quand vous agissez mal, on peut vous manquer de respect. Alors, prenez la personne Christ est ton modèle. Et Christ est le modèle maillot. Il est mort. Fais tout pour être une bonne vie. Être Marie à l'état de vie. Quand il est fait fille après sa fin, on peut le payer de l'eau. Marie, que chacun de vous garde sa femme. Batali, et des objectifs corrects, et des motifs justes. déclarer ton gloire au Seigneur. Tout votre fondement n'est que sable. Je suis dans les bains qui vont. Je suis allé l'épouse. Je suis allé l'épouse. Je suis allé l'épouse. Je suis allé l'épouse. Je suis allé l'épouse. Et nous voyons que si l'homme. Et c'est allé l'homme. Et la femme a prié à son sujet. Et c'est pas pas de la fin à eux. Je suis allé que je considère ce beau regard des femmes. Vous êtes caline de ce col de mort. Vous pouvez faire fonctionnel. Et si vous regardez d'abord à Dieu, vous lui demandez, ô Dieu, tu as ton plan. Est-ce que tu as mon plan? Le prêtre Granaton a regardé à Dieu, il a prié sérieusement avant de se réveiller. Il doit être convaincu le Dieu qui est un plan de Dieu pour que Dieu vous se marie. Si ce n'est pas le cas, nous sommes là dans un folklore. Ah, ce qui va me faire, et dans une mascarade qui ne fait engager Dieu ni de loin ni de près. Dieu n'est pas lié au mensonge, à la foi, à la tricherie. Dieu est saint, il est parfait. Les voix sont parfaites et sondables. Dieu est ici, je la crainte de sa parole. Alors les deux vont être convaincus. Nous allons avoir prié jusqu'à recevoir la réponse. Contacte la hiena, pero no voy a pintar. No voy a pintar nada. Okay, Avez-vous aimé la vérité? Avez-vous continué à aimer la vérité après moi? Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à la deuxième étape. Thank you.

Nous sommes infiniment reconnaissants ce matin. C'est toi, Père bien-aimé, qui nous a nourris de ta parole, qui nous a positionnés, Seigneur Dieu bien-aimé. C'est tout ce que nous avons besoin, Seigneur Jésus. Car, Père bien-aimé, ta parole nous confirme que tout parole d'homme soit reconnue pour maçon. Et ta parole est la vérité, Seigneur. Et cette parole, Père de la vérité, c'est ce que tu viens de nous parler ce matin. Oh Dieu, sur le plan de Dieu pour le mariage, le plan de Dieu pour la vie humaine, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, éternel, Seigneur qui nous a positionnés, c'est la même chose, Père, étant des êtres humains, nous ne pouvions pas, Seigneur Dieu bien-aimé, éternel, de nous-mêmes, Père bien-aimé, tenir bien-aimé la face des frères, en face, Seigneur Dieu bien-aimé, de tout ce haut bien-aimé, cette vie, qui cache beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Mais Seigneur, nous croyons ta parole, quelle est la vérité, Seigneur, que tu tiendras dans ton Père bien-aimé. Nous allons toujours tenir la main immuable de toi, et que par ta grâce, Seigneur Dieu bien-aimé, nous allons aller de l'avant avec toi, Seigneur. Bénis, Seigneur Dieu bien-aimé, éternel. Maintenant, nos cœurs qui ont reçu cette parole, mon Dieu, que cela ne puisse pas s'envoler, Seigneur. Que la vie qu'elle contient, Seigneur. Que la bénédiction qui est dans la parole, Seigneur. Et que cette portion de ta parole, Seigneur, que ce matin que tu nous as parlé, que nous puissions attirer pour nous, Seigneur. Oh Père, bénis ton nom, Seigneur, mon Dieu. Qui a prêché ce message, Seigneur. Et ça n'est pas pour nous, Père. Il a perdu de l'énergie, Seigneur, mon Dieu. Mais qu'il est au travail de toi. C'est toi qui as créé ce corps. Donne-lui encore la santé. Afin que là où Seigneur Jésus, on aura besoin de lui, qu'il puisse encore édifier le corps de Christ, Seigneur. Maintenant, Seigneur notre Dieu, bénis aussi ce service, Père, que nous voulons entamer, Seigneur Dieu bien-aimé, les cérémonies du mariage, mon Seigneur. Bénis cela par ta grâce. Et que mon Dieu, mon roi, que la paix bien-aimée éternelle, comme est conforme à ta parole. Comme cela est conforme à ta parole, Seigneur, nous allons éternel Dieu le voir. Oh Dieu bien-aimé, simplement nous confier à toi. Maintenant, Seigneur Dieu de grâce. Et quand, maintenant à la fin de cette étape, nous donnons, Seigneur, à toi, nos dîmes et toutes les grâces que nous avons portées, Seigneur. Bénis chaque main, Seigneur Jésus, qui sera plongé dans les paniers, Seigneur, afin que Père bien-aimé, cette personne, Seigneur, qui donnera, il sait que Père bien-aimé, il n'a pas donné à quelqu'un, Seigneur, mais il s'est servi avec le fait que tu as mis dans sa main, Seigneur. Bénis la personne, Seigneur, et que Seigneur Dieu bien-aimé, maintenant, l'honneur et la gloire puissent être bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons demandé de prier. Amen et amen. Et le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous, soyez à l'aise. Dieu nous aime tant. Vous avez été bénis, n'est-ce pas? Le plan de Dieu pour le mariage. Le plan de Dieu pour le salut de l'homme. Amen. Retenez quelque chose de ce que Dieu nous a parlé. Parce que chaque parole de Dieu, elle contient une bénédiction. La Bible dit toute écriture inspirée de Dieu. Et Dieu, la prédication, nous avons marché de l'écriture à l'écriture. Amen. Amen.